Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, je règle un petit peu le volume histoire que vous m'entendiez au fond de vos placards et de vos caves. Et oui, vous avez tout à fait raison, c'est le meilleur endroit pour écouter la machine à son. Une bonne petite cave, c'est parfait, avec si possible des voûtes, comme ça, ça fait un son plus, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et d'église, voilà, ça y est, merci. Donc le professeur n'est pas là, mais en pensée, il est toujours avec moi. Et oui, ce soir, le professeur n'est pas là. Alors ça, c'est encore une aventure du professeur. Il y en a un peu à chaque fois, hein, mais celle-là, elle est assez cocasse quand même. Donc en fait, il m'a dit qu'il m'avait préparé des trucs, bon, mais que je pouvais faire ce que je voulais. Donc du coup, je suis allé fouiller dans ses disques. Et bon, voilà. Pour une fois, il m'a autorisé. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. J'ai ramassé des trucs quand même dans son esprit, évidemment. Nous n'allons pas tromper le maître. Donc... il me dit voilà, je serai pas là, donc bref, tu fais ton truc, parce qu'en fait je pars faire du vélo avec un vélo sans roue. Bon, et sur le coup ça m'a pas heurté, puis après je me suis dit tiens, il s'est mis au vélo, ça c'est pas mal, et très étonnant. Et pourtant la bicyclette, un professeur, mais bon, il n'en fait pas pour autant quoi. Ça c'est de la blague, c'est pour faire style, et oui, sportif. Donc bref, et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, un vélo sans roue, tu peux pas pédaler. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce trip, qu'est-ce que tu fais avec un vélo sans roue? Donc il m'explique, il me dit voilà, j'étais dans le TER, j'adore faire mes petits voyages dans le TER, et il y a un énergumène qui arrivait, passablement énervé, avec un vélo sans roue. En fait il avait un cadre de vélo entre les jambes, sans guidon, et il tenait son truc, et puis voilà, il marchait, et bref, et il demandait un peu de l'argent, plus ou moins sympathiquement aux gens, mais bon voilà, bon, ça passait, son accoutrance et puis son style de cycliste sans vélo, c'est pas mal. Donc du coup le professeur évidemment a tout de suite échangé avec lui, etc. Il lui a expliqué que bah il faisait un peu le tour de France en vélo sans roue, et que bon là il avait un petit coup de fatigue, il s'était fait la montagne noire, tout ça, donc voilà, il prenait le TER pour rentrer à Montpellier pour voilà continuer. Donc là le professeur pas moison, il s'est dit mais enfin voilà, ça y est, ça c'est du sport. Et du coup arrivé en rentrant chez lui, bah il a récupéré un vieux cadre qui traînait dans un coin, et il est parti donc avec cet énergumène, non pas faire le tour de France, mais pour aller, je sais pas, à Palma de Majorque. Parce qu'après, en fait, ils vont prendre un bateau sans... Soit... Alors, en fait, ils ont le choix. Soit ils prennent un avion sans aile, soit ils prennent un voilier sans voile. Donc, voilà, c'est au choix. Voilà, c'est des gens de la vie simple pour eux, quoi. Bref, donc, il est parti. Donc, ce soir, nous allons faire, dans l'esprit de le professeur La Bicicletta. Et puis oui, il y avait un petit détail aussi. En fait, sur son vélo sans roue, le mec, il avait une petite poupée vivante. Alors bon, quand il m'a dit ça, j'ai un peu flippé quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une poupée vivante? Et en fait, non, c'était une petite poupée où quand tu lui appuies sur le bras, elle dit un truc. Quand tu appuies sur le ventre, elle dit un truc, etc. Donc voilà, et son grand délire, c'était à ce mec, c'était de discuter avec sa poupée vivante. Un petit peu en boucle, hein, vous vous en doutez, parce que bon, bah, niveau membre, c'est un peu limité sur l'être humain. Et il aurait dû prendre un poulpe vivant, ça aurait été mieux. Là, il y avait plein de... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, poupée vivante. Alors, oui, poupée vivante. Moi, ça m'a inspiré un peu pour le démarrage. Vous mettre un petit peu en train, tranquillement. Parce que ce soir, quand même, on va un peu soigner à la phase. Hein. Donc, mais on commence piano. Dans le même vallon, ses cellules se couchent. L'ombre baignait le retour par la lune ébauchée. Puis l'œil entrevoyait dans le chaos confus, aqueduc, escalier, pilier au large fût, chapiteaux évasés. Des jardins suspendus, pleins de fleurs et d'arcades, et d'arbres noirs penchés sur de vastes cascades. When I look up. D'un morceau fabuleux en direct. Enfin, c'est pas grave, c'est dans l'esprit du professeur, hein, on va dire. Il était pas là, sinon là j'étais mort. Et ouais, je vous jure, j'étais mort. Déjà que, bon, après le disque, hein, genre la poussière, mais laisse tomber quoi, elle est d'époque. Hein. Enfin, ah, attendez, j'ai mon téléphone là qui vibre. Ah, professeur, ouh putain, c'est le professeur qui m'appelle. Ah, bah, vous voyez, il a dû entendre, je ne sais pas, peut-être sur son vélo sans roue. Oui, parce que je vous rappelle qu'il fait vélo sans roue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me veut ? Il faut que je le rappelle de suite. Bon, bah, je le rappelle. Hein. Non, je vais pas vous mettre une musique d'ambiance quand même, je vais pas déconner, j'en ai pour deux secondes. Voilà, allô, ouais. Ouais, prof, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, tu prends l'avion, ça y est, là c'est sûr, d'accord. L'avion sans aile ? Sans aile, ouais, ouais, ça va être pratique quand même, ouais. C'est bien, non, mais c'est une bonne idée pour voyager, ouais. C'est pas cher en plus. Ah si, c'est cher. Eh ben, et c'est tout ce que je voulais me dire, voilà. Bon, ben, bon voyage, hein. Voilà, je suis en pleine émission, là, tu te doutes bien. Allez. Oui, bon, ben, désolé pour l'interruption, mais voilà. Donc, l'avion. Le professeur m'a dit qu'il prenait un avion, le vol 952, pour Palma de Mallorca. Attention, attention. El vuelo 502, con destino a Palma de Mallorca. Puerta número 3. Je tiens à rassurer tout de suite les âmes sensibles, le professeur n'a pas été blessé dans cette histoire, rassurez-vous. Voilà, c'est juste que bah, voilà, c'était une petite boutade. Bien sûr, vous avez compris, le professeur ne m'appelle jamais au téléphone. Ben oui, il ne sait même à peine que ça existe. Et oui, mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il fait toujours attention là où il marche. Il faut faire attention, j'adore le « et oui ». Ça fait commentateur sportif. Et en fait, bah oui, bah la machine à son, c'est un peu du sport, voilà. Et donc là, je voulais dire, bah oui, il faut faire attention là où on met les pieds, parce que des fois, dans la rue, il y a des merdes de chiens. Et une chose qui m'étonne, c'est qu'on ne dit jamais des merdes de chiennes, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un chien ou une chienne qui a chié. Thank you. La machine à son est une émission qui aime les animaux, qui hurle, mais aussi qui savent être romantique. Excuserez la chanson romantique, il n'est pas vraiment, en fin de compte, une petite erreur de programmation due à ma piètre connaissance de la langue anglaise. Eh oui, mais le professeur m'a rappelé, parce qu'évidemment, il entend, il m'a dit qu'il a caché des micros, il entend tout ce que je dis, tout ce que je fais. Bon, j'ai dit, le plus simple, ça aurait été d'écouter la radio, mais bon, ça c'est encore un truc, bref, apparemment compliqué, compliqué. Enfin, continuons. 13-26

Malgré les bombes, malgré les cons, malgré les connes, la machine à son, c'est de l'amour garanti. Alors là, j'étais en conversation avec le professeur qui me donnait... Oh là, excusez-moi, je me suis pris le micro dans la gueule. Eh oui, ici, même les micros sont vivants, c'est dingue. Donc, j'étais en communication avec le professeur, puis je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé des bruits bizarres et tout, machin. Et du coup, la communication a rompu. Running blues. Liaison, abraço, compreensão, pulsão, de pessoas, acusation. comme le temps passe, il me reste juste une minute. C'est dingue, j'étais parti là. Et oui, on aurait pu rester pendant des heures comme ça. Donc ce soir, vous avez entendu que des belles choses. Donc le Upsetter, ben non, ça sera pour une autre fois. Alors c'est pas les Upsetters que vous connaissez peut-être, ce sont d'autres. Donc dans la Summer au final là pour I Feel Love avec un truc où il y a pas les mecs, ils ont pas, enfin c'est des gens un peu de la musique concrète mais ils ont pas osé signer, donc ils ont fait des trucs avec des percussions, des femmes qui feulent, etc. Voilà, truc évocation érotique. Avant ça il y avait Mobile, un truc un peu bizarre allemand, les Doors Running Blues, un morceau très étrange, Led Zeppelin. Et assez rare, c'est quand même assez rare dans la machine à son, mais bon, Communication Breakdown, pas mal quand même. Breathing But The Jerk, The Gods, oh putain, faut que je me dépêche là. The Gods, Joachim Kuhn et Rolf Kuhn, je suis très bon en allemand. Stéphane Vareg, Ossietis, Mad Monk, Os Impacto, Ultrasonicas, et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? The Acads, Watch Your Step, très bon morceau. Los Ravayolas qui sont plantés en avion, Julie The Skull Bryno, Germ de Trinity, et avant La Poupée Vivante. Bonne nuit. Bien sûr, vous êtes sur Radio Campus Montpellier.